Le 16 juin 1904, James Joyce rencontre Nora Barnacle. De cette première rencontre naîtra une histoire d'amour et le roman le plus inclassable de l'histoire de la littérature, Ulysse, sorte de transposition littéraire et contemporaine de l'Odyssée d'Homère et de la vie amoureuse de Joyce lui-même. Le roman de 800 pages se tient en une journée, un 16 juin également, ce qui est l'occasion chaque année pour les Irlandais et les habitants de Dublin en particulier de fêter dignement l'œuvre de Joyce en chantant dans la rue. A husky fife-note blue, blue, blue. Gold pinnacled hair. A jumping rose on the satiny breasts of Saturn. Trilling, trilling, ay Dolores. Ay Dolores, ting, tickety ding, ding, ding, ding. Peef, who's in the peep of gold? Tink, cry to bronze and pity. The call of your eyes on the trail of the lonesome pine. In the pale shine, our hearts intertwine. Bonjour Philippe Forest. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin depuis chez vous. Est-ce que vous avez déjà assisté en vrai à un Bloomsday à Dublin ? Malheureusement non, je suis allé souvent à Dublin et je n'ai pas manqué de visiter les différents lieux touristiques qui sont consacrés à Joyce, mais je n'ai jamais eu la chance d'y être ce 16 juin. On imagine assez bien l'ambiance en écoutant cet extrait. Alors vous avez beaucoup travaillé sur Ulysse de Joyce, vous avez écrit un ouvrage, c'était en 2011, qui s'appelle « Beaucoup de jours, d'après Ulysse de James Joyce » aux éditions Cécile de Faux. Un autre ouvrage en 2013 qui s'appelle « Joyce était-il fou ?» Est-ce que vous avez encore du goût pour cette œuvre ou est-ce qu'après des années passées à lire ce texte-là, il y a une sorte de dégoût qui s'installe ? Non, j'y retourne avec beaucoup de plaisir et d'autant plus qu'on se prépare à fêter bientôt les 100 ans de la parution à Paris d'Ulysse. Et donc, il y a un certain nombre de choses qui se préparent ici et là. Et ça me donne l'occasion de revenir, donc 10 ans après, sur ce livre auquel j'ai consacré le gros essai auquel vous faisiez allusion. Mais 10 ans, c'est le temps qu'il faut à Ulysse pour revenir à Ithaque, donc c'est le temps qu'il m'a fallu aussi pour revenir à Ulysse et je m'en réjouis. Qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser à ce texte en premier, parce que c'est un texte déjà difficilement classable, on va en parler, hein, mais qu'est-ce qui vous attire tant dans ce texte ? D'abord, quand je l'ai lu, adolescent, sans rien y comprendre, je crois que c'était lié à un amour ancien que j'avais de la mythologie, un amour qui s'était développé quand j'étais enfant, lorsque je lisais la vieille collection des contes et légendes. Et puis, bien sûr, il y a une réputation qui accompagne ce livre et qui le présente comme l'un des plus étranges, l'un des plus difficiles de la littérature du XXe siècle. Ce qui me semble être une légende qui détourne inutilement un certain nombre de lecteurs, mais cela a sans doute contribué au désir que j'ai eu donc vers 17 ou 18 ans de me mesurer en quelque sorte à ce livre et de voir ce qu'il y avait dedans. Et une fois qu'on entre dedans, alors il y a deux options possibles, ceux qui n'arrivent pas à lever la tête et qui restent jusqu'au bout et ceux qui s'abandonnent en cours de route parce qu'ils sont comme noyés dans cette forme complètement hybride. Joyce invente quelque chose avec ce texte dans l'histoire de la littérature. Oui, bien sûr. Alors c'est un livre qui a mauvaise réputation, j'ai l'impression. Vous savez, il y a ce petit jeu auquel jouent certains journalistes et certains écrivains qui consiste à demander quels sont les plus grands, si j'ose dire, faux chefs-d'œuvre de la littérature mondiale. Et Ulysse de Joyce est toujours en tête du palmarès. On présente ce livre comme un faux chef-d'œuvre destiné aux snobs, sans aucun intérêt, sans vrai contenu. Moi, plus je lis Ulysse et plus j'ai l'impression qu'il s'agit d'un roman au sens très très classique du terme, malgré la forme un peu déroutante qu'il prend. Ça parle d'amour, ça parle de la vie, ça parle du deuil, ça parle de la mort, ça parle du temps qui passe. Enfin, ça parle de toutes ces choses qui sont censées intéresser tous les lecteurs de romans, me semble-t-il. Et seriez-vous d'accord pour dire que c'est aussi un roman d'amour qui raconte une rencontre amoureuse et ce qui s'ensuit ? C'est d'abord et avant tout un roman d'amour, parce que, comme vous l'avez indiqué en présentation, Joyce choisit de situer l'action de son livre, donc qui se déroule le 16 juin 1904 à Dublin, ce jour-là où lui-même, quelques années auparavant, a rencontré celle qui allait devenir presque tout de suite sa compagne, puis bien des années plus tard sa femme, et avec laquelle il a passé l'essentiel de sa vie. Donc c'est un livre qui, d'une certaine manière, tire l'essentiel de son sens de ce couple particulier que Joyce a formé avec Nora. C'est un bel hommage, peut-être le plus bel hommage qu'un écrivain puisse rendre à la femme qu'il aime. Et du coup, ça nous parle à chacun d'entre nous de ce que c'est que l'amour tel qu'il dure dans le temps, tel qu'il se transforme, toutes ces choses qui, une fois encore, me semblent devoir intéresser chacun d'entre nous. Et pourtant, dans le texte lui-même, s'il y a un personnage féminin qui s'appelle Molly, il y a deux personnages masculins, Stephen Dedalus et Leopold Bloom. C'est Joyce lui-même qui se scinde en deux parties qui sont autant de dimensions sur l'existence, d'un côté très matériel et de l'autre beaucoup plus spirituel. Oui, ce sont en quelque sorte les deux aspects de lui-même qu'il présente au lecteur. Alors Stephen Dedalus, c'est le jeune poète, celui que Joyce a été autrefois, et qui d'ailleurs constitue le héros de ses deux premiers romans, Stephen Hero, qui restera inachevé, et puis surtout Portrait de l'artiste en jeune homme, que l'on connaît, qui est un très grand livre aussi. Et puis à côté de Stephen, prenant en quelque sorte la relève, il y a Leopold Bloom, qui lui est un homme entre deux âges, un publicitaire d'origine juive, beaucoup plus terre-à-terre en quelque sorte, avec beaucoup plus d'ironie et de sagesse par rapport à la vie et par rapport à l'amour. Et c'est celui que Joyce, finalement, d'une certaine manière, est devenu. Et ces deux hommes, donc, se croisent, se rencontrent, se retrouvent, comme Télémaque et Ulysse dans l'Odyssée, mais dans cet espace beaucoup plus circonscrit que propose aux promeneurs la ville de Dublin. On peut pas dire vraiment que Ulysse soit un roman autobiographique. Joyce ne se met pas en scène lui-même, mais il y a une dimension autobiographique qui est certaine et qui permet donc de retrouver l'auteur dans les visages doubles que proposent Stephen et Leopold Bloom, et de retrouver aussi Nora dans le personnage de Molly, c'est-à-dire de Pénélope. On ne souligne pas assez, je trouve, la dimension autobiographique de l'œuvre de Joyce, en dépit de ce que je viens de dire. Oui. Et qui fait que ce ne sont pas, à proprement parler, des romans autobiographiques, ce ne sont pas des autofictions, comme on dit maintenant. Mais Joyce disait, et c'est une remarque qui m'a beaucoup frappé à l'un de ses amis, Frank Bajan, pendant qu'il était en train d'écrire Ulysse, que pour lui, lorsque Rousseau, dans Les Confessions, raconte un vol domestique tout à fait insignifiant qu'il a effectivement commis, ça a beaucoup plus de portée et de valeur littéraire que lorsque Dostoïevski raconte un meurtre qui est purement et simplement imaginaire, comme dans Crime et Châtiment. Joyce est du côté de l'autobiographie, même s'il donne à l'autobiographie une forme romanesque et étrangement romanesque, comme c'est le cas avec Ulysse. Alors on va faire connaissance avec le texte en commençant par le personnage de Léopold qui va raconter sa première rencontre avec Molly. Et c'est un récit qui est fait au passé, c'est un souvenir en fait qu'il raconte. Donc voici la première rencontre. Léopold Molly, raconté par Léopold, on est au chapitre 8 d'Ulysse. Le texte est lu par Denis Podalydès. J'étais plus heureux dans ce temps-là, mais était-ce bien moi? Ou bien est-ce maintenant que je suis moi? J'avais 28 ans, elle 23, quand nous avons quitté Lombard Street West. Depuis, il y a eu quelque chose de changé. Scotché à la vitre, deux mouches bourdonnaient, scotché. Le vin ardent sur son palais s'attardait une fois bu, écrasant dans son pressoir les raisins de Bourgogne. Toute la chaleur du soleil. C'est comme une caresse furtive qui parle à ma mémoire. Au contact humide, ses sens se souvenaient, cachés sous les fougères de Howth. Au-dessous de nous, la baie au ciel dormant, pas un bruit, le ciel, la baie pourpre à la pointe du Lion, verte à Drumleck, vert jaune vers Sutton, prairies sous-marines, des lignes marron clair dans l'herbe, villes englouties. Ma veste servait d'oreiller à ses cheveux, d'éperce oreille dans les touffes de bruyère, ma main sous sa nuque. « Tu vas tout me bouleverser !» Oh, quelle merveille! Sa main, amoldoucie par les onguents, me touchait, me caressait. Ses yeux fixés sur moi ne se détournaient pas. Allongé au-dessus d'elle, en extase, j'embrassais ses lèvres à bouche que veux-tu. Miam! Elle me mit délicatement dans la bouche du gâteau chaud à l'anis qu'elle avait mâché, chair écœurante que sa bouche avait pétrie, aigre douce de sa salive, joie, je le mangeais, joie, jeune vie. Ses lèvres qui se donnaient dans une moue, ses lèvres douces, chaudes, collantes comme des bonbons. Sauvagement, je me laissais tomber sur son corps, je l'embrassais, les yeux, ses lèvres, son cou tendu, palpitante, sa poitrine de femme remplissait sa blouse en voile de bonne sœur, les bouts épais étendus. Chaud, j'y allais de la langue, elle m'embrassait, j'étais embrassé. Tout à moi, elle ébouriffait mes cheveux, embrassée, elle m'embrassait. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, les plus belles rencontres amoureuses en littérature cette semaine. C'est ce qui va nous permettre d'atteindre cette fin de grille, de terminer l'année avec vous, chers auditeurs. Et aujourd'hui, la rencontre amoureuse dans Ulysse de James Joyce, en compagnie de Philippe Forest, qui est avec nous depuis chez lui. Alors, on ne s'attendait pas forcément, quand j'ai annoncé le récit de la rencontre, à ce qu'il y ait des descriptions aussi physiques, organiques. En fait, tout ce chapitre 8 tourne autour du thème de la digestion, Philippe Forest. Oui, c'est ça, on le sait parce que Joyce a gentiment procuré au premier lecteur d'Ulysse un certain nombre d'indications et de schémas qui permettent de comprendre que chaque chapitre du livre correspond non seulement à l'un des chants de l'Odyssée d'Homère dont il est la transposition, mais aussi à une technique littéraire, à un organe du corps, ou disons plus simplement à un thème. Et ce chapitre-là, qui raconte comment Léopold Bloom se met en quête d'un restaurant parce que c'est l'heure du déjeuner, renvoie au chant de l'Odyssée qui concerne les lestrigons, les géants cannibales qui ont dévoré les compagnons, enfin certains des compagnons d'Ulysse. Donc tout au long du roman, ou plutôt tout au long de ce chapitre, il y a comme un fil conducteur qui relie les impressions du personnage, telles que le monologue intérieur nous permet de les appréhender, à un certain nombre de notations concernant l'alimentation. Voilà. Même au-delà de ça, c'est au-delà des descriptions qui sont simplement liées à l'alimentation, il y a comme un parti pris de Joyce dans tout le texte, en particulier dans ce chapitre, qui est de définir l'homme comme une espèce de machine à mâcher, à avaler, à digérer, à excréter. Là, je cite un passage du texte. Oui, c'est presque darwinien comme vision de l'humanité. L'humanité comme une espèce animale parmi les autres, attaché à se nourrir pour survivre dans une sorte de situation où chacun est à la fois la proie et le prédateur. Et l'une des formes de cette prédation, c'est la prédation amoureuse. L'une des formes les plus tendres de cette prédation, c'est la prédation amoureuse, qui fait que là, on voit Léopold et Molly se manger l'un l'autre de baisers, comme on dit. Mais le texte est traversé par une tension entre la dimension très organique, très matérialiste, voire même naturaliste, on dirait en littérature, et une dimension qui est beaucoup plus spirituelle, justement. Le texte tisse la rencontre entre les deux qui parfois est conflictuelle. Oui, parce que l'idée de Joyce, et c'est ce qui fait d'Ulysse un roman qui a marqué le XXe siècle et qui continue à compter pour nous, c'est de produire véritablement une œuvre totale qui mette à contribution toutes les formes de savoir, toutes les formes d'expression et qui donne de l'homme une vision totale, donc qui va aussi bien du plus organique au plus spirituel. Il y a un chapitre antérieur qui est assez scandaleusement célèbre aussi, qui montre Léopold Bloom sur le siège des toilettes, et je crois que c'est peut-être l'un des très rares exemples que l'on ait d'un romancier qui nous fasse rentrer dans cette pièce à laquelle, en général, on n'est pas convié. Donc il y a cet aspect 13. Il y a Belle du Seigneur aussi. Ah oui, c'est vrai. Oui. Et puis il y a sûrement eu des gens qui, depuis, ont fait la même chose. Mais en tout cas, lorsque Joyce l'a fait, ça a pas mal perturbé certains de ses premiers lecteurs. Et puis il y a des choses qui sont du côté de la spiritualité la plus élevée. Il y a un des chapitres les plus intéressants du livre, qui est une longue dissertation sur le Hamlet de Shakespeare et qui est, à mon sens, une des méditations les plus profondes qu'il y ait sur la création artistique, sur la création littéraire, à travers l'exemple de Shakespeare et plus particulièrement l'exemple de Hamlet. Donc il y a tout ça dans le livre et bien d'autres choses encore, sans doute. Comment le livre est-il accueilli au moment de sa parution ? Il est précédé par une rumeur extraordinairement favorable parce que Joyce, avant même que le livre paraisse en volume à Paris, en a fait connaître quelques extraits dans des revues d'avant-garde et il a trouvé des lecteurs tout à fait enthousiastes du côté de personnes qui ne sont pas tout à fait négligeables dans l'histoire de la littérature. Je pense notamment à Ezra Pound ou à T.S. Eliot et puis du côté des Français un peu plus tard, il y aura Valérie Lerbeau. Donc on annonce avant même que le livre paraissent qu'il s'agit là d'un chef-d'œuvre et ça va très largement contribuer à la gloire quasi immédiate de l'auteur en dépit de la difficulté du livre. Le scandale ajoutant encore à cette rumeur puisque le livre est considéré par certains non seulement comme illisible mais également comme obscène. Mais il est censuré, non ? Il le sera aux États-Unis, mais pas en France, où il va paraître où il paraît d'abord à Paris, à la librairie Shakespeare et compagnie, et puis après, il va paraître quelques années plus tard en traduction. Et puis, très rapidement, dans beaucoup d'autres pays aussi. Un mot sur le style, on a pu l'entendre avec l'extrait de texte qu'on a entendu lui par Denis Podalydès, ce style si difficile à décrire qui semble être au plus proche de ce que pourrait être une pensée intime, parfois désarticulée, parfois comme une espèce de flux qui ne s'arrête pas. Je disais qu'il inventait quelque chose en littérature, c'est ainsi en tout cas qu'il a été reçu au moment où le texte est paru. Et on peut penser, nous autres lecteurs de 2020, au texte de Virginia Woolf, dont on fait vraiment celle qui aurait inventé ce qu'on appelle le flux de la conscience, the stream of consciousness. Et pourtant, Woolf, paraît-il, n'a pas tellement apprécié le roman quand il est sorti. Comment vous expliquez ça ? Elle a été très choquée, en tout cas c'est ce qu'elle a dit, mais si vous lisez par exemple Avant les vagues, Mrs. Dalloway, bon, il est évident que c'est un livre qui est complètement déduit de la lecture d'Ulysse, hein. Ça se passe aussi en une journée, c'est aussi l'errance de deux personnages avec un recours donc à ce que Joyce a inventé sous le nom de monologue intérieur. Donc même si Virginia Woolf a été choquée de ce qu'elle a pu découvrir dans le livre de Joyce, elle a bien mesuré à quel point il y avait là quelque chose de décisif dans l'histoire de la littérature. Et puis après il y aura Faulkner aussi, si on pense au Bruit et la Fureur, et puis bien d'autres auteurs aussi. Joyce prétendait qu'il n'avait pas inventé le monologue intérieur, mais qu'il l'avait trouvé chez un romancier français symboliste qui est complètement oublié, enfin qui serait complètement oublié si Joyce n'avait pas fait son éloge, qui est Dujardin, dans un livre qui s'appelle Les lauriers sont coupés. Mais disons que ce que Joyce fait de l'invention de ce romancier symboliste français suffit à lui en attribuer la paternité. Moi, je trouve pas ça très compliqué, le monologue intérieur. En fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'on trouve au cinéma et qui ne choque plus personne lorsqu'on pénètre en voix off dans la conscience d'un des protagonistes. C'est à peu près la même chose. On nous fait partager, on nous donne l'illusion de partager les pensées de l'un des personnages. Et avec un mouvement de va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur, entre le monde réel et le monde imaginaire, qui donne au livre sa fluidité et qui nous permet de partager les émotions qu'il exprime aussi. Ça me semble pas si sorcier que ça, en fait. Vous semblez vouloir défendre le texte contre des attaques que vous avez dû entendre. Oui, parce que en général, quand on parle de l'Ulysse de Joyce, pour ne pas évoquer le livre suivant, Finnegan's Wake, c'est plutôt avec un certain nombre de réticences, de réserves, voire avec une franche adversité. C'est quand même terrible que bientôt un siècle après l'apparition du livre, on en soit encore à devoir défendre Ulysse et à essayer de démontrer l'importance de ce livre qui pourtant saute aux yeux, heureusement, aux yeux de beaucoup de lecteurs aussi. Il piqua une fourchette dans le rognon et le retourna d'un coup sec, puis installa la théière sur le plateau. Sa bosse fit saillie lorsqu'il le souleva. Tout y était ? Les tartines beurrées, 4, sucre, cuillère, sa crème, oui. Il monta l'escalier, le pouce passé dans l'anse de la théière. Ouvrant la porte d'un léger coup de genou, il entra avec le plateau et le déposa sur la chaise près de la tête du lit. « T'en as mis du temps, » dit-elle. Elle fit cliqueter les anneaux de cuivre en se relevant vivement, appuyant le coude sur l'oreiller. Il baissa calmement les yeux sur son corps volumineux, sur le sillon entre ses gros tétons doux qui pendaient sous sa chemise de nuit comme les pies d'une chèvre. La tiédeur de son corps étalé montait du lit et se mêlait à l'arôme du thé qu'elle versait. Un bout d'enveloppe déchirée pointait sous l'oreiller creusé d'une fossette. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, il s'arrêta un instant pour arranger le dessus du lit. « De qui était la lettre ? » demanda-t-il. « Main de flamme. Marion. »« Oh, de Boylan, » répondit-elle. « Il va porter le programme. »« Que chantes-tu ? » ?»« L'acide harem, avec J.C. Doyle, » dit-elle, « et l'ancien chant des 12 amants. » Ses lèvres pulpeuses en buvant souriaient. Ça laisse comme une odeur de renfermé le lendemain, cet encens. Comme l'eau croupie d'un bouquet. « Tu veux que j'ouvre un peu la fenêtre ?» Elle plia en deux une tranche de pain qu'elle introduisit dans sa bouche, demandant « À quelle heure est l'enterrement ?» Ce qu'on peut remarquer dans ce texte, Philippe Forest, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une intention de faire le portrait d'un homme dans ce qu'il a de plus ordinaire. Et là, je pense à la référence à Ulysse, qui est de l'Ulysse de Homère, hein, qui accompagne évidemment tout le texte. Ulysse, au moment de, quand il est emprisonné par Polyphème, le cyclope, dit que son nom est Personne. Et au fond, c'est comme si Bloom lui-même, le personnage, ne voulait être personne, qu'il était tellement fidèle au Ulysse de Homère qu'il épousait même ce nom qui le renvoie à sa non-existence. Il est presque au degré zéro de l'existence, là. Oui, et c'est ce qui fait son universalité. Alors, Joyce s'est expliqué là-dessus très clairement en racontant comment il avait choisi Ulysse, parce que justement, il nous donne à voir tous les aspects de l'expérience et de l'existence personnelle. Par exemple, il est à la fois père et fils, mari et amant, guerrier et voyageur. Aucune des dimensions de l'expérience humaine ne lui est tout à fait étrangère. Dans le livre suivant, Finnegan's Wake, le héros, qui prolonge en quelque sorte Bloom, hein, se nomme, enfin il a beaucoup de noms, mais l'un de ses noms c'est HCE, Here Comes Everybody, autrement dit Monsieur Tout le Monde. Voilà. Ulysse, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde, c'est personne, et c'est pourquoi ce roman nous concerne, chacun d'entre nous. Oui, il y a quelque chose d'effrayant à se dire que pour concerner tout le monde, il faut essayer de dépeindre un personnage en ce qu'il a de plus presque insignifiant, inexistant. Comme si c'était avec cette mince couche d'existence que l'on pouvait toucher tout le monde. Oui, mais en même temps, c'est un personnage très attachant. Ça n'est pas un personnage nul, ça n'est pas un anti-héros. Il est doté de toutes sortes de qualités qui le rendent à la fois proche et humain. Ça n'est pas du tout l'un de ces êtres inexistants ou négatifs dont on a trouvé beaucoup d'autres exemples dans la littérature du XXe siècle. Parce que moi, me semble-t-il, ce qu'on ne dit pas assez, et sur quoi j'insiste, c'est que Ulysse est aussi un roman réaliste, même s'il réinvente le réalisme du XIXe siècle. Il nous montre des hommes, des femmes, faits de chair et de sang, et qui partagent nos propres faiblesses, mais aussi nos propres qualités éventuelles. En ce sens, il y a lieu de classer Bloom dans la grande galerie des personnages, des héros de romans, au sens même du roman réaliste, du vieux roman réaliste que Joyce réinvente donc. Et il faut le dire que si Léopold est aussi touchant, c'est aussi parce qu'il a peur tout le long du texte, il a peur que sa femme retrouve un amant. En fait, c'est ça, au fond, qui le fait errer dans Dublin, et d'un quartier à l'autre. Joyce disait que quelqu'un qui n'était jamais allé à Dublin pouvait se repérer avec simplement son texte entre les mains, tellement c'était précis autour de Dublin. Ses pérégrinations renvoient à celles d'Ulysse d'Homère, encore une fois. Mais au fond, le moteur même de ses errances, et de ses promenades, et de sa trajectoire, et du roman, c'est ça, c'est cette sorte de jalousie, cette peur de savoir que sa femme est peut-être en train de le tromper. Oui, il en est presque certain, et d'ailleurs il n'a pas tort. Hein. C'est-à-dire, en fait, Ulysse reprend l'Odyssée d'Homère, mais Ulysse retourne, enfin comme on l'a souvent dit, l'épopée homérique pour en faire précisément, et comme je le disais à l'instant, un roman réaliste, c'est-à-dire Pénélope, ou plutôt la moderne Pénélope à laquelle Molly Bloom donne son nom, est beaucoup moins fidèle que son modèle grec. Elle trompe, elle a trompé, elle trompe à nouveau sans doute Bloom, Et c'est pourquoi donc Bloom décide de partir le matin et ne rentre chez lui que bien longtemps au milieu de la nuit suivante, parce que il veut ne pas prendre le risque de tomber sur l'homme dont il suppose à juste titre qu'il a profité de son absence pour coucher avec sa femme. Il y a quelque chose de très pathétique aussi dans ce personnage. Il est hanté par le souvenir de la mort de son père qui s'est vraisemblablement suicidé. Il est hanté également par le souvenir de la mort de son enfant, son petit garçon, Rudy. Et ce sont des fantômes qui l'accompagnent comme ça tout au long de sa pérégrination diurne et puis nocturne à travers les rues de Dublin. C'est aussi un livre sur le deuil et sur le désir. Et ce qui fait de ce roman un roman complet et tout à fait touchant dès qu'on oublie les approches, j'espère que je n'abonde pas dans ce sens, mais dès qu'on oublie les approches parfois trop intellectuelles, trop savantes, trop théoriques qui ont proliféré à partir du texte, dès qu'on laisse de côté toutes ces constructions savantes et théoriques, on en revient à un récit qui est véritablement un récit qui nous touche, qui nous émeut et qui a été conçu par Joyce pour ça. Avant de retrouver le texte lui-même et d'entendre un autre extrait, je vous propose qu'on entende un extrait d'une lettre de Joyce qu'il écrit à son amoureuse Nora. Donc je rappelle que Joyce fera de son premier rendez-vous décisif avec Nora le 16 juin 1904, la journée du récit d'Ulysse. Et dans cette correspondance, alors c'est intéressant, on entend l'usage de la langue qu'il fait, de cette obscénité qu'on trouve aussi dans le texte. Enfin, obscénité, c'est le terme qui a été employé pour qualifier ce roman par ceux qui l'ont mal reçu. Et vous verrez en fait comment ce texte est intéressant, parce que c'est comme un témoignage de la première rencontre entre Joyce et son amoureuse, et Nora. Écoutez le texte lu par Denis Podalides. À Nora Barnacle Joyce, le 3 décembre 1909. Ma petite pensionnaire chérie, une étoile est en ce moment trop près de la terre, car je suis encore en pleine crise de désir animal. Aujourd'hui, je me suis souvent arrêté net dans la rue en poussant une exclamation chaque fois que je songeais aux lettres que j'étais écrites la nuit dernière et la nuit d'avant. Lues dans la froide lumière du jour, elles doivent paraître horribles. Peut-être leur grossièreté t'a-t-elle dégoûté ? Je sais que tu es d'une nature bien plus délicate que ton extraordinaire amant, et bien que ce soit toi, la petite fille en chaleur qui m'a écrit la première en me disant qu'il lui tardait d'être foutu par moi. Je suppose néanmoins que l'obscénité ordurière et sauvage de ma réponse dépassa les bornes de la pudeur. Ne me demande pas d'aller me coucher, ma chérie. Laisse-moi t'écrire, ma chérie. Comme tu le sais, ma bien-aimée, je n'emploie jamais des expressions obscènes. Tu ne m'as jamais entendu, n'est-ce pas, prononcer un mot malsonnant devant des tiers. Je ne souris guère lorsque des hommes racontent ici en ma présence des histoires sales ou grivoises. Pourtant, tu sembles faire de moi une bête. C'est toi-même, petite impudente polissonne, qui a commencé. Ce n'est pas moi qui t'ai touché le premier à Ringsend il y a longtemps. C'est toi qui as fait descendre ta main dans mon pantalon et a écarté doucement ma chemise et touché ma bite de tes longs doigts chatouilleurs et petit à petit la prise. Ce sont tes lèvres aussi qui ont les premières prononcé un mot obscène. Je me souviens très bien de cette nuit. Nous étions au lit, à Pola. Une nuit, lasse d'être sous un homme, tu as violemment arraché ta chemise et tu es monté sur moi pour me chevaucher nu. Faut-il faire un lien, Philippe Forest, entre cette lettre et l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure où Léopold se remémore sa première rencontre avec Molly? Il y a une transposition qui n'est pas négligeable, hein, parce que dans Ulysse, Joyce attribue à Bloom une idylle plus poétique que celle qu'il a vécue avec Nora, et dont la lettre qui vient d'être lue nous donne un certain nombre d'indications sur la manière dont elle s'est développée. Hein. Donc les choses, je le rappelle, les choses se passent ainsi, hein, tel que les biographes l'ont établi. Joyce, il est tout jeune, hein, il a 22 ans. Nora, elle en a 20. Elle vient de quitter son domicile familial à Galway. Elle a fugué. Hein. Elle s'est retrouvée à Dublin où elle a été obligée de prendre un emploi comme femme de chambre et serveuse dans un hôtel qui s'appelle Finn's Hotel. Donc c'est sans doute pas un hasard si le dernier roman de Joyce s'intitulera Finnegan's Wake, parce que dans Finnegan's Wake aussi, Joyce reprend et transpose l'histoire de son amour pour Nora, et Joyce drague Nora dans la rue, il lui donne rendez-vous, la première fois elle ne vient pas, la seconde fois elle est là, ils vont se promener dans Dublin, et à une époque où la contraception n'existait pas, donc à la grande surprise et à la grande satisfaction de Joyce, Nora, après l'avoir embrassée, glisse sa main dans sa braguette et le fait jouir. Et voilà comment les choses se sont déroulées dans la réalité, et c'est à partir de cette réalité-là que va se développer l'histoire d'amour entre Joyce et Nora, et l'histoire d'amour parallèle que raconte Ulysse entre Léopold Bloom et Molly. Et comment Joyce parle-t-il lui-même de ce rapport à la pudeur et à l'impudeur, puisque je disais qu'on l'avait taxé d'obscénité, le texte qu'on a entendu encore a été allégé, hein. Il y a des passages encore plus crus, alors même si c'est sa correspondance, c'est-à-dire que pour lui l'écriture est aussi le lieu de cette quête, enfin de cette transposition de quelque chose de très physique qui est arrivé sans prisme moral ni même esthétique. Oui, bah, la correspondance qu'échangent Joyce et Nora, alors elle se concentre sur un certain nombre de périodes assez brèves de leur vie, parce que la plupart du temps ils ont été ensemble, donc ils n'avaient pas à s'écrire. Mais en 1909, donc Joyce va passer quelques semaines à Dublin parce qu'il a besoin d'argent. Il est en quête d'un plan qui lui permettrait de trouver les revenus qui lui manquent. Donc il a le projet à un moment d'ouvrir à Dublin la première salle de cinéma, et il tombe sur un certain nombre de ses anciens amis qu'il n'a pas vu depuis quelques années, puisqu'il s'est installé avec Nora à Trieste, qui lui rapporte des rumeurs plutôt médisantes concernant la femme avec laquelle il vit. Et Joyce devient littéralement fou de jalousie, et donc il s'engage dans une correspondance avec Nora qui est assez célèbre, qui a été révélée très tardivement, hein, longtemps après la mort de Joyce et longtemps après la mort de Nora, et qui exprime des fantasmes souvent de nature masochiste ou scatologique, qui peuvent être perturbants, disons, pour un lecteur qui n'est pas habitué à ce genre d'érotisme. C'est d'une grande pornographie, d'une grande obscénité, en effet. Mais on retrouve la même chose dans Ulysse aussi. Il y a un chapitre qui est peut-être l'un des plus compliqués du livre, qui est le chapitre de Circé. Donc Joyce imagine, oui, pour faire écho aux métamorphoses que subissent les compagnons d'Ulysse et qui les transforment en porc, Joyce imagine que Bloom et Steven passent une partie de la nuit dans un bordel, et sous l'effet de l'alcool ils se mettent à délirer et à avoir des hallucinations. Et ça donne lieu à une scène de bravoure assez torride également, mais également profondément perverse, si tant est qu'un adjectif comme celui-là soit d'un usage pertinent dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Non, il y a une vraie obscénité de Joyce revendiquée comme telle, mais qui n'empêche pas l'effusion poétique également, telle que il en est coutumier lorsqu'il s'agit pour lui d'évoquer l'amour, et plus particulièrement la femme avec laquelle il vit. Puisqu'on parle de rencontres amoureuses cette semaine et ce matin, passons de l'autre côté, de l'autre point de vue, celui de Nora dans la vie et de Molly dans le texte. Et pour ce faire, alors la fin d'Ulysse est peut-être encore plus connue que le texte lui-même, puisqu'il s'agit d'un monologue de Molly, quasiment sans ponctuation, qui est une espèce de bravoure à lire pour un comédien. C'est un acte de bravoure. Et avant qu'on le commente et qu'on l'entende, je vous propose qu'on écoute ce qu'en dit Philippe Soler. C'était en 1975 au micro de France Culture. Alors le monologue Molly est connu parce que, je vous dis, il a eu cet impact brusquement qu'on a cru y découvrir le langage féminin à l'état de sommeil, de rêve, comme ça. Et en général, vous remarquerez que ce monologue est monté au théâtre, on le tire d'Ulysse, et on le met sur des scènes périodiquement un peu partout, et c'est une actrice, en général, qui le récite. Ce qui est tout à fait curieux, parce que ce monologue a été écrit par un homme, il n'a pas été écrit par une femme. Et là, il y a une première question qui se pose, c'est pourquoi imagine-t-on que c'est en réalité une femme qui parle, puisqu'on fait réciter ce monologue sur une scène par une actrice, au lieu de comprendre, d'essayer de comprendre comment c'est un homme qui écrit à la place d'une femme. Autrement dit, si on voulait être vraiment correct avec ce monologue, on le ferait réciter par un homme sur une scène. Mais on le fait en général réciter par une femme. Vous voyez que là, il y a un premier point qui se dessine, c'est que Joyce, en se cachant derrière une série de masques, ce qui est très ulysséen, ce qui est très odysséen, et qui répond beaucoup à Homère, en se cachant derrière une série de masques de discours, arrive à influencer tellement l'opinion qu'on ne se rend même pas compte qu'il est derrière, soigneusement, méticuleusement, derrière ce qu'il écrit, lui. Qu'en pensez-vous, Philippe Forest? Est-ce qu'il faut dégenrer ce monologue de Molly ou y voir la tentative de déceler ce qui serait un point de vue féminin dans le texte et dans la rencontre amoureuse? Ce que dit Salaire, c'est tout à fait juste. Je crois qu'il ne s'agit pas de dégenrer le texte, mais au contraire d'être attentif à la complexité du traitement qu'il propose de ces questions de sexualité ou de genre. Bien sûr, ça n'est pas une femme qui parle, c'est un homme qui s'identifie à une femme, avec tout ce que cela comporte, bien sûr, de fantasmes, qui sont d'ailleurs tout à fait conscient de la part de Joyce. Ce que raconte justement l'épisode de Circé auquel je faisais allusion précédemment, c'est la métamorphose de nature masochiste du personnage principal, Léopold Bloom, en femme, en prostituée, en servante. Donc Joyce, c'est tout à fait ce qu'il fait lorsqu'il se glisse comme ça fantasmatiquement dans un corps féminin. Ça me semble être une des grandes clés, même si elle est assez obscure et je serais moi-même incapable de l'analyser très avant, mais ça me semble être une des grandes clés de ce que le roman du XXe siècle a produit de meilleur, l'identification d'un homme, d'un auteur au masculin. Proust avec Albertine, Joyce... Au féminin, vous voulez dire? Oui, c'est... Vous avez dit au masculin. Ah, excusez-moi, voilà, c'est un lapsus. Je suis obligé de relever ce lapsus, je suis désolé, vous en faites ce que vous voulez. Ben, je ne sais pas quoi en faire, mais vous avez raison de le relever, ne serait-ce que pour me permettre de préciser, de clarifier ma pensée. Oui, l'identification d'un homme au féminin. Alors, je pensais à Proust au narrateur de La Recherche du Temps Perdu avec Albertine. Je pense à Aragon, on trouve ça très souvent chez Aragon. Je pense surtout à Faulkner, hein. Rappelez-vous Temple Drake dans Sanctuaire ou dans Requiem pour une nonne. Il y a aussi de très grands monologues intérieurs à la faveur desquels c'est un homme, Faulkner cette fois et plus Joyce, qui se met à parler comme s'il parlait depuis ce corps féminin auquel il s'identifie, mais sans doute pour faire apparaître à quel point la distance persiste entre... Voilà, c'est ça qu'on ressent. C'est quand même qu'on a l'impression que l'effort qui est fait pour se glisser dans la peau d'une femme reste un effort. Et finalement, tout ce que Joyce fournit pour essayer de ressaisir ce qui serait peut-être une âme féminine ou une essence féminine, et ben, semble encore plus marquer la distance entre lui-même et le personnage qu'il crée. Oui, mais c'est la grande leçon proustienne aussi. Hein, vous savez, cette phrase très profonde dans Un amour de Swann, l'acte de possession physique dans lequel on ne possède jamais rien. Ce qui s'éprouve à travers cette identification impossible au féminin, c'est cette impossible possession qui est précisément, même sur un terrain, je dirais, très concret et très trivial, le thème de tous les grands romans d'amour et le thème d'Ulysse aussi. C'est-à-dire, Bloom, c'est quelqu'un qui médite sur l'impossibilité qui est la sienne à posséder le corps et l'âme de cette femme à laquelle tout le lie. C'est le thème de la communicabilité, si on veut dire les choses de manière plus sociologique, disons, ou psychologique plutôt. Oui, et c'est intéressant que pour figurer cette incommunicabilité, il faille en passer par, bah, pour le coup, des questions de genre, parce que finalement, que ce soit une femme ou un homme, le problème, c'est que il n'arrive pas à communiquer avec cette personne, et que c'est comme si la femme incarnait ce dont l'homme ne pouvait pas percer le mystère. Alors que si on tient la thèse de l'incommunicabilité entre les êtres jusqu'au bout, bah, homme comme femme, de toute façon, il n'y a pas de communication possible. Oui, c'est quelque chose, bien sûr, à l'égard de quoi il faut faire preuve de beaucoup de prudence, parce qu'on sait très bien quelle manipulation et quelle mystification peuvent s'en déduire, mais la femme est constituée en figure absolue d'une altérité à laquelle l'homme se rapporte. Mais sur cette question des genres, Ulysse est un livre très intéressant aussi. Bloom est présenté comme le modèle même de l'homme féminin, alors que bien sûr il y a des dimensions très très viriles entre guillemets, parce qu'on finit par ne plus trop savoir à quoi renvoient ces adjectifs, mais il y a des dimensions très très viriles chez Molly, qui est une femme forte, une femme possessive, une femme qui est beaucoup plus libre par la manière dont elle assume sa sexualité que ne l'est le personnage masculin. Alors, on va écouter un extrait de ce monologue, les dernières pages d'Ulysse. Et bah, je vous propose de choisir, Philippe Forest, figurez-vous. Vous avez le choix entre entendre le texte lu par un homme ou lu par une femme. Ah, oh, bah, je vais quand même choisir lu par une femme. Alors, voici le texte lu par Maëlys Ricordo. Je pensais à tant de choses qu'il ignorait. Aux petites Espagnoles qui riaient avec leurs châles et leurs grands peignes, et aux ventes aux enchères le matin, les Grecs, les Juifs, les Arabes et Dieu sait qui d'autre encore, des gens de tous les coins de l'Europe. Et Duke Street, et le marché aux volailles toutes gloussantes devant chez Lab et Sharon, et les pauvres ânes qui trébuchaient à moitié endormis, les vagues gens qui dormaient dans leurs manteaux à l'ombre sur les marches, les grandes roues des chars de taureaux, et le vieux château, vieux de milliers d'années. Oui, et à ces morts si beaux tout en blanc avec leurs turbans comme des rois qui vous invitaient à vous asseoir dans leur toute petite boutique ronda. Et leurs vieilles fenêtres des posadas, deux yeux brillants cachés dans un treillis pour que son amant embrasse les barreaux. Et les cabarets entrouverts la nuit, et les castagnettes. Et le soir où on a raté le bateau à Algésiras, le veilleur qui faisait sa ronde serein avec sa lampe, et oh, ce torrent effrayant tout au fond. Oh, et la mer cramoisie quelquefois comme du feu, et les couchers de soleil en gloire, et les figuiers dans les jardins d'Alameda, oui, et toutes les drôles de petites ruelles, les maisons roses, bleues, jaunes, et les roseraies, les jasmins, les géraniums, les cactus, et Gibraltar quand j'étais jeune, une fleur de la montagne, oui, quand j'ai mis la rose dans mes cheveux comme le faisaient les Andalouses. Ou devrais-je en mettre une rouge? Oui, et comment il m'a embrassée sous le mur des morts, et j'ai pensé, bon, autant lui qu'un autre, et puis j'ai demandé avec mes yeux qu'il me demande encore. Oui, et puis il m'a demandé si je voulais, oui, de dire oui, ma fleur de la montagne, et d'abord je l'ai entourée de mes bras, oui, et je l'ai attirée tout contre moi, comme ça il pouvait sentir tous mes seins, mon odeur, oui. Et son cœur battait comme un fou. Et oui, j'ai dit oui, je veux, oui. Et c'est le dernier mot du texte, oui, avec un O majuscule, Philippe Forest. Et j'ai toujours été convaincu, bon, je ne suis peut-être pas le premier à avancer cette hypothèse, que ce oui, c'était précisément le mot que tout au long du roman cherchent les deux héros, et particulièrement le plus jeune, Stephen Dedalus. Il y a une question comme ça qui revient perpétuellement dans sa tête pendant qu'il se promène sur la plage de Sandy Mount à proximité de Dublin, puis à nouveau plus tard au cours de cet épisode du bordel que j'évoquais précédemment. Stephen Dedalus voit lui apparaître le fantôme, on pourrait presque dire le vampire qui est devenu sa mère disparue quelque temps auparavant. Et à chaque fois, donc, Stephen se demande, ou demande, quel est ce mot que tous les hommes savent? Comme s'il y avait un mot que le monde entier sait, sauf chacun d'entre nous, finalement, qui est convaincu d'être dans l'ignorance de celui-ci. Eh bien, moi, je suis convaincu que ce mot que tous les hommes savent, mais que tous les hommes ignorent qu'ils le savent, c'est ce oui qui résonne à la fin du roman, qui est un oui tout simplement d'affirmation, un oui d'affirmation de la vie, un oui d'acquiescement à l'amour. Et c'est une morale qui est peut-être un peu simple, mais qui est sans doute celle vers laquelle le roman de Joyce nous conduit, si on veut bien se laisser emporter par le récit qu'il nous propose. Un oui comme étant une manière de baisser les armes, de sortir de la lutte permanente contre soi, contre les autres, dire oui, c'est accepter que les choses soient telles qu'elles sont, c'est ça? Ça n'est pas un oui de résignation, d'ailleurs... consentement, je pensais, pour faire justement la distinction. On se résigne pas, mais on dit oui malgré tout. Oui, c'est ça, de consentement, de réconciliation, si on veut. C'est aussi le grand thème des dernières tragédies de Shakespeare. Une réconciliation qui ne fait rien oublier du caractère tragique et pathétique de la vie, mais qui permet malgré tout de donner un sens à celle-ci. Alors, le monologue intérieur de Molly Bloom est composé de 25 000 mots divisés en 8 blocs. Il y a quelque chose presque de mathématique, en tout cas de vraiment... logique et formelle dans la construction de ce monologue. Ce qui est encore plus mathématique et géométrique et scientifique, c'est le chapitre qui précède et qui est construit à la manière d'une démonstration scientifique à laquelle le monologue final apporte une sorte de contrepoint poétique. Joyce était très intéressé par les sciences, par les techniques, et Bloom plus encore que Joyce, sans doute, tel que le romancier le mettent en scène, il y a cette volonté de construire une vraie machine littéraire qui est certes très, très sophistiquée, très complexe, mais ce qui n'empêche pas de nous rapporter à elle, chacun de façon personnelle et en se situant sur le terrain de l'émotion. C'est cette absence de ponctuation, Joyce racontait qu'en fait elle lui venait précisément de Nora, qui avait l'habitude étrange de ne jamais ponctuer lorsqu'elle écrivait des lettres, de ne jamais mettre de lettres capitales, et donc c'est comme si Joyce se mettait en quelque sorte d'une certaine manière, enfin, en gardant en mémoire tout ce qu'on a pu dire de la dimension mystificatrice d'un tel fantasme, mais c'est comme si Joyce se mettait en quelque sorte à l'école de sa propre épouse pour écrire le chapitre par lequel son roman se termine. La plupart des livres de Joyce, et je trouve ça très bien, se termine en faisant entendre une voix qui est une voix féminine, comme si c'était à cette voix féminine qu'il fallait laisser le dernier mot et en quelque sorte donner raison. C'est vrai aussi dans Finnegan's Wake, par exemple. Parmi les lectures de ce livre, on trouve des hypothèses qui sont avancées pour essayer de comprendre le geste même de Joyce quand au moment où il crée Ulysse. Et le terme de folie revient souvent. Alors, ça peut être une métaphore, mais je pense par exemple au séminaire que Lacan a proposé autour de l'œuvre de James Joyce, où il posait la question de la folie de Joyce, il établissait un parallèle entre la vocation littéraire et la carence paternelle. Est-ce que pour vous, c'est approprié de parler de folie, même au sens pathologique, au sens médical du terme, comme par exemple Antonin Artaud le fait avec sa folie, en la faisant aussi, en la considérant comme étant pouvant devenir un acte de création, ou est-ce que pour vous, c'est complètement hors sujet par rapport à Joyce? Avec tout le respect et l'admiration que j'ai pour Lacan, parce que je ne fais absolument pas partie des intellectuels qui aujourd'hui dénigrent la psychanalyse et particulièrement la psychanalyse lacanienne, mais il faut dire que malgré tout, quand on lit le séminaire que Lacan a consacré à Joyce et qui s'intitule le symptôme, il faut entendre sur un mode joycien ce mot comme signifiant à la fois symptôme et symptôme, puisque d'une certaine manière, il est vrai que Joyce, en tout cas ses personnages, ou certains de ses personnages, se prennent parfois pour le Christ. Bon, quand on lit le séminaire de Joyce, on a quand même l'impression que, en dépit des conseils très avisés qu'il a dû recevoir de Jacques Aubert, qui est le grand, l'immense spécialiste de Joyce, Lacan n'a pas vraiment lu Joyce. Il cite toujours les mêmes textes qui sont en général des textes de jeunesse. La question de la folie se pose chez Joyce, mais elle se pose surtout pour Joyce. Il a dit, mais je crois que c'est plutôt à propos de Finnegan's Wake qu'à propos d'Ulysse, qu'une feuille de papier, l'épaisseur d'une feuille de papier séparait ce livre de la folie. Et la feuille de papier dont l'épaisseur le protège de la folie, c'est précisément la feuille de papier sur laquelle il est en train d'écrire son propre livre. Il se guérit en quelque sorte de sa propre folie, même si elle reste quelque chose qui l'accompagne tout à fait et qui va venir frapper de manière très très cruelle d'ailleurs sa fille Lucia. Bloom, je ne sais pas si Joyce était fou, mais Bloom ne l'est pas du tout. Il a quelques particularités psychologiques qu'on peut trouver plus ou moins étranges, mais Bloom est quelqu'un qui réussit à triompher en quelque sorte des déséquilibres qui sont certainement les siens. Donc je ne dirais pas que Joyce est fou, non. Surtout qu'on pourrait utiliser comme ça, le mot de fou semble galvaudé et inapproprié, parce qu'on peut dire de chaque écrivain dans ce cas qu'il est fou de se lancer dans une telle entreprise, mais il semble surtout que Lacan s'intéresse plus à Dédalus qu'à Bloom, je crois. C'est ça, oui. Et c'est le cas de la plupart des lecteurs, hein, qui en général survalorisent en quelque sorte Dédalus au détriment de Bloom, parce que Dédalus, c'est le personnage dans lequel on peut le plus aisément se projeter si on est soi-même un intellectuel ou un écrivain. Mais tout le sens d'Ulysse, c'est de permettre justement à Joyce de ne plus être tout à fait Steven et de devenir un petit peu Bloom, se guérissant en quelque sorte de ce qu'il racontait dans les premiers textes où il mettait en scène ce jeune poète très arrogant qui finalement auquel finalement il dit au revoir dans les livres de la maturité. On va provoquer une rencontre ce matin, peut-être, hein, pour ceux des auditeurs qui ne connaîtraient pas la voix de Joyce. La voici pour terminer cette émission. C'est James Joyce qui lit le 7e chapitre Éole, de son texte Ulysse, donc, c'était en 1924. He would never have spoken with the Eternal on Sinai's mountain top, nor ever have come down with the light of inspiration shining in his countenance and bearing in his arms the tables of the law, graven in the language of the outlaw. Vous connaissiez cette archive, Philippe Forest? Oui, oui, oui. Et c'est un passage dans lequel Joyce s'inspire du discours que Moïse prononce devant le peuple juif, ce qui permet un parallèle fait par Joyce entre le peuple juif et le peuple irlandais, et surtout ce qui permet à l'écrivain de dire à quel point il est indispensable pour chacun d'entre nous de renoncer au règne des idoles et de quitter la terre de sa propre servitude, en quelque sorte. Merci beaucoup, Philippe Forest, d'être venu nous parler de James Joyce ce matin, enfin d'être resté chez vous, mais de nous avoir parlé de James Joyce ce matin. Merci à vous. Je renvoie les auditeurs au site des Chemins de la Philosophie. On y mettra la bibliographie, votre bibliographie, les œuvres consacrées à Ulysse, mais aussi les autres. À bientôt. Au revoir. On se quitte en comédie musicale, la comédie musicale autour de Joyce et Nora, Himself and Nora, Jonathan Brielle, Without a Man. What man wants a woman of 40? What woman of 40 wants a man? What restaurant lets you sit by yourself? Need your escort there? Woman without a man dries up on herself. Oh. Know what I'd be without a man? Lucky. Once a man hits your age, you fall apart, all apart. Eyes so gone, nearly blind. Teeth in a glass you can't even find. What would I be without a man? Lucky. I'm entitled to do as I damn well please. I'm the great writer of the 20th century. And he will first go to his grave. Woman sees, woman knows. Stuck with a drunk, bills to pay. You're quite a rose. For all the years and seeds I've sown, first a nursemaid, then alone. What would I be out on my own? Lucky. What do you know? What does any woman know? Don't need you. I can hire a maid. For 27 years I forgave ya. Watch it now or nothing will save ya. Ya don't want to say very much more. I can hire a whore. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Alors que les magazines, les livres et les articles pour bien profiter de l'été fleurissent, et ce malgré le mauvais temps et la Covid, je me suis dit qu'il serait bienvenu pour cette dernière semaine de la saison de vous proposer 4 anti-manuels de philosophie. 4 injonctions mi-philo, mi-développement perso qui m'ont travaillé ces derniers temps. Je commence avec celle-ci. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous cheminez dans le monde du développement personnel depuis plus ou moins longtemps et vous entendez parler depuis plus ou moins longtemps également de votre fameuse zone de confort. Vous avez reçu l'info à plusieurs reprises, voire même vous êtes inondé par cette info-là, que vous devez sortir de votre zone de confort pour pouvoir aller atteindre vos objectifs ou réaliser vos rêves. Et puis, force est de constater que vous avez vraiment du mal à sortir de cette fameuse zone et vous cherchez des moyens pour pouvoir en sortir plus facilement. Alors voilà, vous avez forcément déjà entendu cette expression de zone de confort et l'injonction qui va avec en sortir. A priori, c'est assez simple. Il s'agirait d'identifier cette zone puis de s'en extraire, de déterminer de quoi elle est faite pour tenter de voir plus loin qu'elle, pour avancer, pour progresser. Finalement, sortir de sa zone de confort, c'est le nouveau ne pas se reposer sur ses lauriers. Mais si cette idée semble facilement saisissable, est-ce si facile d'identifier cette zone de confort? Est-ce si facile, non pas seulement d'en sortir, puisque c'est tout l'enjeu, mais déjà de vouloir en sortir? Et au nom de quoi? Pourquoi? Pourquoi cette zone de confort et plus se reposer sur ses lauriers ou ses acquis? Et pourquoi pas endroit de pause, lieu de repos ou espace sympa? Voilà dans quel genre d'abîme de perplexité me plonge cette fameuse zone de confort. La première fois que j'en ai entendu parler, j'ai même trouvé ça complètement absurde. Pourquoi sortir de ce à quoi chacun d'entre nous pourrait aspirer, à savoir du confort? Pourquoi vouloir s'extirper de ce qui est rassurant, apaisant, sécurisant? Qu'est-ce qui serait donc attractif dans ce qui en est le contraire, à savoir la difficulté, l'inconfort, le malaise? T'as besoin de bouger de cadre, le confort a bien des défauts. Tu tomberais sous le charme, tu fondrais sous des mots. Les mots d'une autre dame, et tu volerais comme un oiseau. T'as besoin de bouger de cadre, le confort a bien des défauts. Pour bien poser le problème que pose cette injonction à sortir de sa zone de confort, il faut déjà éclaircir un certain nombre d'éléments qui la composent. L'idée d'abord que le confort serait le synonyme du calme plat, de la passivité ou de l'englument. L'idée par suite qu'en sortir signifierait forcément à l'inverse être actif, avancer, s'éprouver. L'idée donc, si je fais la synthèse, que rester confort et en sortir reviendrait à une alternative entre stagner et progresser. On voit là toutes les couches de présupposés qui ont englouti cette expression devenue un cliché. Il serait bon de progresser et ce mouvement passerait par le fait très concret de sortir d'un certain état. Mais plus que de sortir d'un certain état, comme on passe de la tristesse à la joie ou du canapé à une salle de sport, il s'agirait que cette sortie nous mette en danger, nous mette mal à l'aise, qu'il y ait là comme une prise de risque. Et c'est cette dimension-là qui me frappe tout particulièrement. Le mot confort n'y est pas pour rien. L'inconfort serait nécessairement le signe que quelque chose se passe, et a priori, ce serait là quelque chose de bien. Mais d'où vient cette idée que prendre un risque serait forcément un progrès? Que l'inconfort, bien qu'il dise quelque chose de nous, soit forcément un bienfait, et que quelque chose se passe soit d'ailleurs une bonne chose? Alors certes, je vois bien ce qui est à l'œuvre, cette valorisation perverse de ce qui nous met ou nous fait mal, ce retournement sournois du malaise en bien-être, cette dialectique perfide de tous ces « ça en vaut bien la peine, le travail c'est la santé » ou encore « il faut souffrir pour être belle ». Mais ça n'en reste pas moins paradoxal. Par quelle magie un mieux-être passerait-il par un moins bien, littéralement par un malaise? Par quel paradoxe devrait-on sacrifier son réel bien-être au nom d'un mieux-être potentiel? La zone de confort, c'est tout l'univers dans lequel vous évoluez, vous vivez en ce moment. Qu'il s'agisse de votre travail, de vos amis, de votre famille, de ce que vous aimez faire, de la manière dont vous vivez, de ce que vous faites pour vous détendre, tout est inclus à l'intérieur du cercle. À l'extérieur du cercle, il y a tout ce que vous aimeriez peut-être faire dans votre vie, que ce soit des choses délirantes comme sauter en parachute habillé en Luigi, aux ambitions professionnelles et aux ambitions personnelles. On peut d'ailleurs représenter tout ça par d'autres petites bulles. Et les croix, elles symbolisent le danger, elles symbolisent l'inconnu, elles symbolisent aussi la prise de risque. Ce qui me frappe avec cette sortie de zone de confort, c'est cette concurrence entre le bien-être et le mieux-être. Être bien, c'est bien, être mieux, c'est mieux. Ça tombe sous le sens et cette tautologie me va. Mais pourquoi vouloir le mieux quand il doit ainsi passer par du mal-être? Le mieux en vaut-il vraiment la peine? Tout le problème est là, car quand j'y pense, il y a peu de moments de malaise qui ne m'aient apporté autre chose que du malaise. Il y a peu de risques que j'ai pris sans me demander au final ce que ça avait bien pu m'apporter. Il y a peu de moments d'inconfort que j'ai envie de revivre en me disant que vraiment, c'était bien d'en baver. Je crois au contraire qu'il faut vraiment beaucoup de courage pour rester dans sa zone de confort, coûte que coûte, que ça demande déjà pas mal d'efforts pour la préserver, trouver le temps, les moyens, les conditions pour en jouir, sans avoir à l'élargir pour tout gâcher au nom d'un mieux fantasmé. À quand l'exhortation à rester dans sa zone de confort, envers et contre tout? Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer ces émissions. Aujourd'hui, Isis Jourda avec Anaïs Isbert, Manon Delasselle, Clara De Giovanni, Géraldine Mosna-Savoie. C'est Thomas Beau qui réalise pour vous cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, c'était Pierre Faucillon. Merci au CDM de Radio France qui a assuré la liaison et ainsi permis cette émission. On se retrouve demain pour la suite de nos rencontres amoureuses en littérature. Demain, on parlera de Violette Le Duc et de son roman Thérèse et Isabelle. Ce sera Anaïs France qui, depuis chez elle, viendra, entre guillemets, vous en parler. D'ici là, sachez que vous pouvez réécouter cette émission en allant sur le site de France Culture, la page des Chemins de la Philosophie. Vous pourrez également la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Sachez aussi que l'équipe des Chemins vous attend sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. On est toujours ravis de lire vos remarques et de répondre à vos commentaires. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.